Sideway Professor. Sideway Professor, I'm into this, sir. I'm a dead on the car. See, I'm a belly get you magnifica. Magnifica, no car with the center. You serve the food and you have any good joker. I'm a gigalant. Moi je suis content, gigante. Je vais voir papi, ma ville est tonton et les tantes. Quand je vais là-bas, j'ai pas besoin d'une tente. Si je veux dormir, je trouve des lits par tente. Je rencontre les partenaires et la familia. Je bois de l'eau de coco et je mange beaucoup d'ignames. Poisson frais, pile, coubouillant. La nature est mon cas. Si la moins belle, que tu magnifiques, magnifique. Nous car représentants, nous sommes des purs et nous pas finis pour joker. Non, demande à Véronica. Simone les belles, elle te dira magnifique. Marie galante, nous car représentants, nous sommes des purs et nous pas finis pour joker. Ah ouais, ah ouais. J'ai commencé à toaster à Marie galante. J'ai commencé à rapper à Marie galante. Marie galante, mon premier amour c'est Marie galante. J'aime le poisson pêché à Marie galante. Marie galante, je n'aime que le gomme de Marie galante. J'aime beaucoup les femmes de Marie galante. Marie galante, elles sont super. À ma vie galante, dans mon cœur pas de misère. À ma vie galante, si la moins belle que tu magnifica. Marie galante, mon gars représenta. Nous sommes des purs et nous pas finis pour joker. Non, demande à Véronica. Si mon île est belle, elle te dira magnifica. Marie galante, nous gars représenta. Nous gars représenta. Laisse-moi te parler de la ville de Capesterre. Les gens sont cool et ne sont pas terre à terre. Ils disent bonjour, pas de mauvais caractère. Mais si tu les cherches, man, c'est des affaires. Je me promène sur la plage de la Ferrière. Une odeur de poulet rôti là derrière. Je prends une branche et saute la barrière. La grillade est là dans la cour de ma grand-mère. La moins belle que Dieu magnifica. Marie galante, nous qui représenta. Nous sommes des purs et nous pas venus pour joker. Non, nous pas venus pour joker. Si la moins belle que Dieu magnifica. Marie galante, nous qui représenta. Nous sommes des purs et nous pas venus pour joker. Je suis à Gorbeau, je me sens bien loin de Strasbourg. Amène la Jaco quand je suis à Gorbeau. Je prends la mob et je fais un tour. Je vais voir mes amis de toujours à Gorbeau. Je bois un coup de rhum avec tous mes amis à Gorbeau. Je traverse la ville de la plage à Tivoli. I'm on the Véronica. Si la moins belle que tu es magnifica. Marie galante, nous car représenta. Nous sommes des purs et nous pas finis pour joker. Non, demande à Véronica. Si mon île est belle, elle te dira magnifica. Marie galante, nous car représenta. Nous sommes des purs et nous pas finis pour joker. Direction Saint-Louis. Invité à un échoui, oh oh oui. Y'a du bon son dans mon oui. Une soirée inouïe, oh oh oui. Le bonheur nous rend high, oui. Ma jolie biche, il est aussi, oh oh oui. Marie galante, c'est tout petit, mais dans mon cœur, c'est une galaxie. Si la moins belle que Dieu magnifica. Marie galante, nous car représenta. Nous sommes des purs et nous pas finis pour Jaka nanananana, Jaka nanana. I'm a de Véronica. Marie galante, pique de casse badantana. Action. Gars honnête, pique de casse badon Valdez. Boom fire, Cyril, pour so. Kavine pour 10 ans ça. Boom.